Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Imaginez l'humanité il y a bien longtemps, à l'âge de pierre par exemple. Et imaginez que dans cette société, aucun crime n'ait jamais été commis par un homme contre un autre homme. Imaginez qu'un matin, ces hommes retrouvent un corps mort à terre et qu'à la suite de l'enquête, ils arrivent à la conclusion suivante. Cette femme est morte par la main de l'homme. Tué par la main de l'homme. Jamais quelqu'un n'a tué un autre quelqu'un. Ah ben voilà. Et voici le gourdin ensanglanté qui a servi à la tuer. Voilà. Vous pouvez le toucher, allez-y, marche plus. Un homme a tué un autre homme. Qui en plus est une femme. Attendez, j'ai une idée. Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. J'appelle ce quelque chose... un crime. Crime? Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'aurais pu dire. Meurtre. Non, j'ai dit crime. C'est bien un crime. Ouais, j'aime bien. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Je vois l'intérêt de caresser une joue, je vois l'intérêt de bouger les cailloux, mais je vois pas l'intérêt de tuer quelqu'un. Elle serait morte à un moment, hein, de toute façon. Enfin, c'est ridicule. Je vous pose, c'est ridicule. Bon, les nouveaux, bien sûr, évidemment. Il faut trouver celui qui a fait ça. Pour? Pour lui demander pourquoi il a fait ça. Bonjour François-David Seba. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de m'accueillir. Ce quelqu'un qui tue un autre quelqu'un, comme le dit Alain Chabat dans le film dont on vient entendre un extrait, c'est 5R à la suite, ne transgresse pas seulement le commandement divin, tu ne tueras point. Si on suit Lévinas, ce commandement-là est une injonction, un ordre qui est inscrit dans tout visage humain. Donc en fait, c'est la base de la relation sociale. Effectivement, pour Lévinas, même au fond, on peut même dire que le commandement divin est, je ne sais pas comment dire, la cristallisation de ce qu'on vit effectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous ayons à respecter le commandement divin, c'est que le commandement divin est une des formulations possibles d'une expérience, de l'expérience la plus fondamentale et même avant tout fondement, avant toute cause, avant toute fondation, l'expérience qu'on a d'un rapport avec l'autre. Et le rapport avec l'autre qu'on a, c'est, à la différence de ce qui est peut-être dit dans l'extrait là, c'est à la fois... que finalement on ne peut pas désirer tuer un autre être qu'autrui. Autrui est l'être qu'on peut avoir vraiment envie de tuer. Détruire une pierre, bon, tuer un vivant déjà, effectivement. Mais alors autrui, c'est l'être qu'on peut vraiment avoir envie de tuer. Et du même mouvement, c'est donc l'être pour lequel il y a l'interdit absolu. Parce que un interdit ne se présente que devant, peut-être, notre désir le plus irrépressible. Et c'est sur cet interdit que Lévinas fonde ce qu'on appelle l'éthique. Ce qu'il appelle l'éthique. Alors c'est un terme, je voudrais qu'on le définisse maintenant, si on est d'accord, parce que déjà on le confond beaucoup avec morale. Et chez Lévinas, l'éthique a un sens bien particulier. Est-ce que vous voulez vous essayer à une définition de l'éthique chez Lévinas? Alors c'est difficile de définir, c'est toujours difficile de définir. Vous êtes d'autant... pourtant le co-auteur d'un vocabulaire de Lévinas, je le précise tout de suite, et de nombreux ouvrages sur Lévinas. C'est vrai. Mais depuis Lévinas, éthique, ce terme prend un sens tout à fait singulier, original. Il s'agit d'ailleurs, il est très important de dégager cette originalité, parce que sinon on résumerait très facilement Lévinas à une espèce de redite d'une version possible de la morale qui est qu'effectivement il faut aimer son prochain comme soi-même. Bon, si Lévinas c'était la redite exacte de cette morale traditionnelle judéo-chrétienne, pour dire les choses rapidement, mais enfin pas de manière fausse, bon ben Lévinas n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc Lévinas à la fois c'est une idée très originale de l'éthique, mais qui évidemment se présente comme non pas une originalité, mais comme la présentation du cœur de l'expérience la plus radicale. Alors tous ces mots qu'on emploie, radicale, la plus fondamentale, la plus radicale, la plus essentielle, aucun ne convient vraiment, mais on est bien obligé de les employer, parce que c'est une expérience qui fait éclater effectivement l'ordre de l'essentiel, l'ordre du fondamental, ça va encore plus loin. Ça dérobe tout ce qui pourrait être, comme ça, des définitions solides. Alors, puisque vous m'avez demandé, je tente quand même la définition. L'éthique, justement, c'est pas un commandement, c'est pas un ensemble de règles qu'on pourrait appliquer, qu'on pourrait justifier rationnellement, par exemple. C'est pas non plus l'idée d'un bien vivre, de la recherche de la bonne vie. L'éthique, c'est cette expérience, moi je dis plus volontiers épreuve, parce qu'une expérience, c'est encore la mienne. C'est quand je fais une expérience, je maîtrise encore l'expérience que je fais, tandis qu'une épreuve, faire l'épreuve d'eux, c'est être dessaisi, c'est ne pas être à l'origine et ne pas être dans la maîtrise de ce qui arrive, et c'est faire l'épreuve donc d'un bouleversement radical qui vient avec autrui et qui du même mouvement défait tous les repères, défait toutes les significations instituées, défait même le spectacle. C'est pour ça que le thème du visage compte, c'est que ça défait même le spectacle d'apparition des choses. Et du même mouvement, ça me met radicalement en question. Ça met en question cet effort d'être, cet effort immédiat d'être qui je suis dans lequel je persévère. Et qui est tout à fait légitime par ailleurs, c'est très bien de persévérer dans son être, mais... C'est la formule de Spinoza. C'est la formule de Spinoza, mais l'éthique vient avec le bouleversement ou la mise en suspens, ou la mise en question de cet effort d'être. Donc il y a une radicalité chez Lévinas sur laquelle vous insistez. Ah, il y a une radicalité. Un bouleversement, vous dites. Ah oui, c'est un trauma, c'est traumatisant. C'est pour ça que, oui, l'éthique, c'est pénible, en fait. Hein. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai un petit peu insisté là-dessus, parce que Lévinas a rencontré une espèce de succès modéré néanmoins, mais quand même d'accueil, comme ça, favorable, mais peut-être sur certains malentendus. Et l'un de ces malentendus consiste à le présenter sa pensée comme une pensée presque un peu sucrée de l'accueil bienveillant de l'autre, de la différence, etc. C'est pas ça, c'est le trauma désagréable, l'humiliation de mon effort d'être, sa mise en question qui peut prendre même des tonalités chez le dernier Lévinas très très sombre, très à la fois très sombre et puis à la fois d'une violence extrême pour le sujet, hein, c'est puisqu'il est question d'être l'otage de l'autre, d'une épreuve obsessionnelle de l'autre. Enfin, il y a tout ça chez Lévinas aussi qu'il faut pas occulter, parce que c'est alors vous dites c'est radical, oui. Et il faut même dire justement ce que je disais tout à l'heure, radical, ça veut dire racine, ça veut dire on a quand même l'impression qu'on va au fond des choses, mais qu'on va trouver un fondement. Or là, cette épreuve là, elle nous porte à un point où précisément tout se dérobe, où rien ne peut plus être maîtrisé et on ne peut plus se reposer. Dans la rencontre avec autrui, c'est un non-repos absolu. Donc je ne peux pas me reposer sur une racine. Je n'ai pas trouvé un fondement dans l'éthique. J'ai au contraire, je fais l'épreuve d'un bouleversement radical. Bon, j'insiste en tous les cas, moi, dans ma lecture de Lévinas, sur cet aspect-là. On va continuer à se demander comment on rencontre autrui chez Lévinas. Et la première étape de cette rencontre, vous avez déjà prononcé le terme, c'est la rencontre d'un visage. Écoutez comment Lévinas décrit cette rencontre avec le visage qui est l'incarnation de l'altérité. Je pense que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est quand vous voyez un nez, des yeux, le front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de regarder autrui, c'est de ne pas connaître même la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur de ses yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente, la plus dénuée aussi. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. ou du moins ce dont le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Le « tu ne tueras point » est la première parole du visage. Or, c'est un ordre. Il y a dans l'apparition du visage un commandement, comme si un maître me parlait. Pourtant, en même temps, le visage d'autrui est dénué. C'est le pauvre pour lequel je peux tout et à qui je dois tout. Et moi, qui que je sois, mais en tant que première personne, je suis celui qui se trouve des ressources pour répondre à l'appel. L'accès au visage est d'emblée éthique. L'accès au visage est d'emblée éthique. C'est Emmanuel Lévinas qui prononce ces paroles au micro de Philippe Nemos en 1981. Ces entretiens qui étaient diffusés sur France Culture ont donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Éthique et Infini, publié l'année suivante. Emmanuel Lévinas, auquel nous consacrons une série d'émissions cette semaine dans les chemins de la philosophie sur France Culture, en partenariat avec Philosophie Magazine qui propose un hors-série sur Emmanuel Lévinas, à la couverture duquel se trouve évidemment le visage de Lévinas. On va y revenir, hein, François-David Seba. D'abord, commentons ce texte. Avec cette phrase qui frappe, parce que quand on parle du visage, on s'imagine une description très précise du visage. Or, Lévinas dit « la meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux ». Oui, alors cette phrase qui est effectivement très, très suggestive et très concrète et paradoxale, dit bien l'essentiel de ce qu'il y a à entendre, c'est que le visage... alors, le visage, il est perçu. C'est pourquoi, je sais pas s'il faut parler tout de suite de choses, voilà, de un peu techniques en philosophie, mais pourquoi c'est un phénoménologue? Parce qu'il décrit l'expérience. Et il décrit ce secteur premier de l'expérience. Nous sommes au monde, nous percevons des choses. Mmh. On ouvre les yeux, on voit ceci, on voit cela. Je vois la plante. Alors, je pourrais décrire la manière dont la plante qui est dans ce studio m'apparaît, dans les couleurs, etc. Bon. Et un visage, il s'avance là, dans ma perception, nulle part ailleurs. C'est pas une idée, c'est pas un symbole, c'est pas... Il est dans une concrétude de chair perçue. Mais pourtant, c'est pourquoi d'ailleurs un commentateur de Lévinas parlait du visage comme d'un contre-phénomène, c'est-à-dire tout contre, à la fois c'est pas un phénomène comme les autres, parce que précisément il fait exploser sa propre forme et il fait exploser toutes ses qualités objectives. Et c'est pourquoi on est nulle part ailleurs que dans la perception, mais déjà au-delà de la perception, parce que pourquoi le visage ne se réduit jamais à la chose ou à l'objet perçu? C'est-à-dire qu'on ne voit jamais à la fois entièrement le visage et jamais que le visage. C'est-à-dire on voit toujours autre chose. C'est pas, justement, c'est pas autre chose. C'est ça qui est intéressant, c'est que le visage, c'est pas dire, parce qu'une idée un peu traditionnelle qu'on pourrait spontanément adopter, c'est de dire bah oui, la chose, bien sûr, là je la vois que sous un côté, mais je pourrais en faire le tour et puis je pourrais confirmer que voilà, tandis que je vois un visage et alors derrière il y a quoi? Il y a des pensées, tout ça m'échappe. Par définition, je ne serai jamais là dans la tête de mon interlocuteur. Mais c'est même pas ça que dit Lévinas. C'est que le visage, c'est comme une espèce de, comment dire, de court-circuit dans la perception. C'est quelque chose qui dérègle la perception normale. Alors, ça dépend des niveaux d'analyse. Je peux effectivement me dire, tiens, je suis en face de quelqu'un qui a un visage, qui a tel et tel trait. Oui, voilà, là je vous vois, je pourrais vous décrire la couleur de vos yeux, la forme de vos sourcils, et etc. Justement, alors, en un sens, vous ne voyez... Alors, ça dépend comment on formule les choses. En un sens, vous ne voyez pas mon visage quand vous le voyez ainsi. Ou alors, vous le voyez, mais précisément, l'impératif éthique est toujours en excès sur la vision au sens de la perception. Quelque chose se passe, nulle part ailleurs que dans la perception, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette rencontre concrète du visage. Ça ne peut pas commencer à partir de méditations que je tiendrai à moi-même. Il faut une expérience. Et l'expérience, et puis une expérience que je n'ai pas choisie. Oui, ben voilà, il y a quelqu'un qui arrive, je n'ai pas choisi. Et c'est quelqu'un parce que justement, je dirais, pas une expression de Lévinas, mais une expression qui me vient souvent, ça fait visage. C'est une espèce d'événement. Et cet événement, c'est précisément que le visage, il est à la fois... Alors des fois j'utilise, et ça aussi c'est pas dans la lettre du texte de Lévinas, mais précisément pour clarifier un peu les choses, j'utilise ce qui fonctionne en français, ce qui ne fonctionnerait pas forcément dans d'autres langues, mais la distinction face-visage. Je peux décrire la face, Et avec ses traits objectifs, de couleur, de forme, de... Bon, mais ça fait visage, ça veut dire que ma perception est troublée, que je n'arrive jamais à épuiser l'apparition plastique du visage. C'est pourquoi, effectivement, on ne connaît jamais la couleur des... C'est une manière, parfois, un petit peu... Bon, des fois, ça pourrait tirer un petit peu sur le bêta-sou, mais il y a quelque chose d'inépuisable. Donc, ce n'est pas simplement la distinction entre l'apparence et l'essence. C'est-à-dire que rencontrer quelqu'un, c'est ne même pas voir la couleur de ses yeux, ça ne veut pas dire ne vous fiez pas aux apparences, ce quelqu'un est derrière, en fait, ce que vous voyez. C'est surtout pas ça. Voilà. C'est surtout pas ça. C'est l'idée que si j'ai affaire... Pourquoi d'ailleurs, alors, on peut dire... Justement, alors, bon, ce serait un problème parce que de dire les gens qu'on aime, ceci, cela, parce que le visage d'autrui, c'est pas que le visage des gens qu'on aime. ça fait visage, c'est tous les visages, les gens qu'on aime, ceux qu'on connaît pas, ceux auxquels on est indifférent, ceux qu'on n'aime pas, tous sont un visage. Bon, mais cela dit, il y a quelque chose d'inépuisable dans l'apparition d'autrui, qui fait qu'on peut décrire tous les traits objectifs qu'on veut, ce sera... toujours insuffisant. Et cet inépuisable, c'est quoi? C'est l'identité de la personne? C'est ce qui fait qu'il est quelqu'un? Alors, je vais répondre en deux temps à votre question. Ce n'est pas justement une identité personnelle qui serait cachée ou et qu'il faudrait décrypter et qui ne se montrerait que partiellement et qu'on pourrait un petit peu voilà de plus en plus accumuler son savoir de qui est dans son identité précise un tel ou un tel. Ça, c'est pas du tout lévinassien comme scénario descriptif. Non, c'est que la nudité du visage, pour reprendre son exposition, sa vulnérabilité, voilà, tout ce sont ces caractéristiques éthiques qui percent déjà dans les caractéristiques perceptives. Vous voyez, c'est que bon, il a les yeux bleus, il a les lèvres comme ci, etc. Ok, mais derrière tout ça perce déjà que c'est un vivant qui demande à vivre et qui déjà dit aide-moi. Voilà. Mais alors bon. Ça, c'est quand même, c'est une étape supérieure, enfin ultérieure en tout cas, de dire que ce quelque chose qui dépasse le visage que je vois me parle de cette façon. Vous dites, il dit aide-moi. C'est-à-dire que chez Lévinas, c'est pas simplement que le visage n'est qu'un revers ou qu'un aspect de la personne que je vois, c'est que ce qui se passe quand je rencontre autrui est d'emblée de l'ordre de l'injonction, est d'emblée un drame qui se joue. C'est un événement qui est lourd de sens, demande à l'aide. C'est vrai. Alors, et ça va, c'est quelque chose qui s'est sans doute radicalisé et accentué, mais bon, dans le cours de l'œuvre de Lévinas, c'est bon, mais moi je suis assez attentif, surtout ces temps-ci, je suis assez attentif à ça. C'est effectivement le visage, là, c'était dit dans l'extrait que vous avez repassé, il est nudité, pauvreté, exposition. Même le visage qui tente de se donner des poses, c'est-à-dire précisément par des caractéristiques objective ou quasi-objective ou symbolique qui rejoue de l'objectif, se compose une apparence, par exemple, de force, de certitude, etc. Tout visage, même celui, finalement, même le visage le plus arrogant, est, en tant qu'il est visage, un appel à l'aide, une vulnérabilité. Et là, ça, on retombe sur ce dont on était parti, c'est-à-dire, il est à la fois le plus vulnérable, ce qu'on peut tuer, et précisément parce qu'il est ce que je peux tuer vraiment, il est déjà le « tu ne tueras pas ». Il est cette injonction, ce commandement, cet interdit qui me met en suspens. Alors, mais qu'est-ce qui, dans la rencontre avec autrui, fonde cet interdit? Parce que ça, Lévinas ne le dit pas, il constate que l'interdit est d'emblée présent, il constate que dans le visage d'autrui se trouve, s'exprime une injonction qui est « tu ne tueras pas ». Comment la fonde-t-il? Je pense que c'est pas du tout fondationnel de ce point de vue-là. D'ailleurs, c'est assez... Ce qu'on pourrait lui dire, c'est l'expérience que tu fais, mais moi non. Alors, c'est là, ça c'est intéressant, parce que bon, c'est intéressant en termes de méthode, en termes de... C'est que, premier point, justement, c'est l'épreuve, je l'ai dit tout à l'heure, mais il emploie beaucoup par exemple, dans Autrement qu'être, au-delà de l'essence, qui est le deuxième grand texte, qui emploie beaucoup la formulation anarchie. À entendre quasiment de manière étymologique, anarché, c'est-à-dire sans fondement. C'est l'expérience du sans fondement. C'est l'expérience que d'un coup, tout se dérobe et qu'il n'y a pas de fondation. Donc, on ne trouvera pas de fondation à ça. Mais ce que j'entends dans votre question aussi, c'est de dire, mais enfin, sur quoi ça repose méthodologiquement, enfin, d'un point de vue d'une méthode... D'une philosophie, dans la mesure, voilà, il a quand même la prétention de proposer une philosophie. Et c'est là que je dirais qu'il y va des limites de la phénoménologie. Parce que c'est une phénoménologie à la limite. C'est quand même, c'est une phénoménologie, c'est-à-dire que ce qu'il propose, c'est à chacun de faire par soi-même et authentiquement l'exercice de décrire cette épreuve. Alors, le problème, c'est que c'est une épreuve qui a toujours déjà basculé dans l'indescriptible, puisque voilà, les formes se défont, puisque je suis mis en question. Comment on fait de la phénoménologie, c'est-à-dire, disons, la description disciplinée et rigoureuse d'un certain nombre d'expériences, de manière à en retirer des jeux d'indications universels, c'est-à-dire que chacun puisse reparcourir par lui-même. Mmh. Ce qui va valider une phénoménologie, c'est si je dis, voilà, l'expérience du temps, elle se caractérise par ceci, cela, c'est que vous prenez le livre, vous regardez, puis vous réeffectuez les choses et vous dites, ah ben oui, l'expérience du temps, elle se caractérise par ceci, cela, ou non, et alors là, vous décrivez minutieusement et vous opposez une autre description à celle-là. Bon. Lui, il fait ça, finalement, avec le visage. Voilà, il dit, si je fais vraiment la description de l'expérience, de l'épreuve que c'est, de rencontrer un visage, c'est-à-dire sans avoir déjà noyé cette épreuve sous tout un tas d'esquives, sédiments culturels plus ou moins authentiques, eh ben, je vous dis, c'est ça. Réeffectuer la description. Alors, réeffectuer la description. Eh bien, on demande à chacun des auditeurs de le faire. Avant d'en arriver à la modalité de la rencontre d'autrui, après le visage, c'est le désir, un rapport désirant, érotique au corps de l'autre. On essaye d'appliquer Lévinas aujourd'hui, on essaye de voir ce qu'il dit, peu importe le fondement ou non de ce qu'il dit. Comment est-ce que ça s'applique aujourd'hui? Par exemple, comment est-ce que sa réflexion et sa description du visage prendraient en compte un tel cas? Écoutez. Perdre la face peut s'entendre parfois au sens propre. Une femme de 38 ans, défigurée par des morsures de chien en mai dernier, a subi entre dimanche et lundi soir, au CHU d'Amiens, une greffe partielle du visage. Alors une greffe partielle, c'est une greffe de la partie médiane du visage, appelée également greffe du triangle nez-bouche. C'est en effet cette partie du visage qui a été arrachée par les morsures de chien. En français, il y a deux mots, le visage qui est l'expression de la personne et la face qui est la structure anatomique qui la sous-tend. Nous disons que nous pouvons reconstruire des visages grâce à une transplantation d'éléments prélevés au niveau de la face. François-David Sébastien, si le visage n'est pas forcément le support de l'identité chez Lévinas, alors on peut tout à fait reconnaître la grande malléabilité du visage. Et le cas de la greffe de visage va dans ce sens. Est-ce que c'est un élément qui permet d'affiner ce que dit Lévinas du visage? Alors, cette question de la greffe de visage m'a beaucoup, beaucoup retenu. Et effectivement, je pense... Vous savez, Lévinas disait, il faut... Enfin, je ne sais plus, voilà, je ne suis jamais capable de donner une situation précise. Mais il disait, en substance, il faut mêler la plus grande honneur que l'on puisse faire à une philosophie, c'est de la mêler aux considérations de l'heure. Et donc, c'est très bien de le faire avec la sienne. Et effectivement, par exemple, cette question de la greffe du visage, c'est là qu'on peut se dire, bon, est-ce que ce sont des discours philosophique, quel rapport précis y a-t-il entre c'est une expérience concrète qui est la greffe de la face de visage, telle qu'elle a eu lieu, effectivement. Il y en a eu plusieurs dans le monde, mais la première, c'est effectivement celle qui a eu lieu à l'hôpital d'Amiens. Et là, vous avez donné un petit extrait qui rappelait ce qui avait été fait. C'était en 2005. Hein. Voilà, c'était Bernard Duvauchel, voilà, le chirurgien. Duvauchel, oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait là? Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Et effectivement, il y aurait presque eu, et d'ailleurs dans un avis du Comité consultatif national d'éthique qui avait été formulé peu avant, eh bien le Comité consultatif national d'éthique avait été très réservé en fait hein, sur l'opportunité mesurée d'un point de vue éthique de procéder à des greffes de visage. Et pourquoi? Et il s'était même, je crois, hein, faudrait revoir ça, mais que Lévinas était cité. Parce que, justement, on dit, alors, le visage, c'est à la fois le support de l'identité de la personne et, pour ainsi dire, le signe de l'appartenance à l'humanité. Donc, on aurait toute une problématique presque un peu de sacralisation qui pourrait venir, il ne faut pas toucher, il faut faire attention, etc. Bon. Et ce qu'on voit avec la greffe de visage, c'est que, effectivement, si Lévinas a raison, c'est que un visage n'est jamais la face. Précisément parce que le visage est en excès sur la face, on peut travailler la face autant qu'on veut. C'est une greffe de face, en fait. On fait une greffe de face, et grâce à la greffe de face, on peut refaire venir du visage. Mais, bon, c'est peut-être pas le lieu là d'en parler, mais toutes les questions qu'on poserait d'abord du type « mais au fond, alors vous avez une greffe de visage, mais est-ce que vous vous sentez vous-même ou la personne dont on vous a greffé un morceau de visage ?» Ces questions, elles ne se posent pas vraiment comme ça. Là, moi, j'ai pu parler avec... Oui, pardonnez-moi, parce que je précise que le débat éthique qui a eu lieu suite à la greffe de visage était précisément éthique par rapport au don d'organes qui avait été utilisé pour greffer le visage de cette femme. C'était ça, c'était un problème éthique d'appartenance d'un organe à un corps. C'était et pas effectivement, un autre. C'était est-ce que. Alors, ça peut prendre. Il peut se jouer à plein de niveaux. En fait, le problème, je crois, principal, c'était que c'était aussi pour le receveur extrêmement risqué, puisqu'une greffe à terme va être rejetée. Et qu'on peut, au fond, vivre. Alors, la question, c'est au sens littéral, biologique, on peut vivre sans visage. Donc, on peut pas vivre sans cœur, mais on peut rester en vie au sens biologique du terme, sans visage. C'est pas une situation facile, mais on peut avoir une prothèse ou pour cacher l'absence de visage. Or là, la question c'était de voir en quoi c'était si important de restaurer un visage au point qu'on puisse mettre en péril la vie de la personne qui recevait ce visage. Pourquoi ça valait le coup? Et la question, et en fait, c'est vraiment, effectivement, ben, voilà, permettre à quelqu'un de faire visage. Et c'était pas tellement mon visage ou ton visage, mais un visage, avoir un visage. C'est ça qui a compté, je crois, pour les personnes qui ont reçu, enfin, fait cette épreuve incroyable qui est celle de la greffe de visage. La caresse ne vise ni une personne, ni une chose. Elle se perd dans un être qui se dissipe comme dans un rêve impersonnel sans volonté, même sans résistance. Une passivité, un anonymat déjà animal ou enfantin, tout entier déjà à la mort. La volonté du tendre se produit à travers son évanescence, comme enracinée dans une animalité ignorant sa mort, plongée dans la fausse sécurité de l'élémental, dans l'enfantin, ne sachant pas ce qui lui arrive. La caresse consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s'échappe sans cesse de sa forme vers un avenir, jamais assez à venir, à solliciter ce qui se dérobe, comme s'il n'était pas encore. La caresse cherche, elle fouille. Ce n'est pas une intentionnalité de dévoilement, mais de recherche, marche à l'invisible. Dans un certain sens, elle exprime l'amour, mais souffre d'une incapacité de le dire. Elle a faim de cette expression même, dans un incessant accroissement de cette faim. Elle va donc plus loin qu'à son terme. Elle vise au-delà d'un étang, même futur qui, comme étang précisément, frappe déjà à la porte de l'être. Quand il me caresse, quand il me caresse l'aigle, je ne dis pas que j'ai la tremblette. Quand tu me caresses les orteils, chérie, je m'émerveille. Quand tu me caresses les vertèbres, je pousse des grands cris de zèbre. Quand tu me caresses la clavicule, alors là, je gesticule. Et quand il me caresse les genoux, chérie, je deviens fou. quand tu me caresses les cheveux. Elle blessait Croix himself sur France Culture, les chemins de la philosophie, une autre idée de la caresse, hein, n'est-ce pas, François-David Seba? Alors on a le texte de... Peut-être la même. Hein, ah peut-être, bah, alors justement, vous allez nous dire... En philosophie, le texte sur la caresse que souvent on connaît, c'est celui de Sartre sur la caresse. Ici, celui de Lévinas, non moins intéressant, mais très différent dans son approche, justement. On trouve ce texte dans un passage de Totalité infinie, qui s'appelle Phénoménologie de l'éros. Et dans ce passage, Lévinas raconte l'ambivalence du désir, qui peut me lier à autrui et parfois, au contraire, m'en éloigner. Et paradoxalement, je trouve que ce texte sur la caresse le montre bien, exprime bien cette idée-là. L'ambivalence du désir réside aussi dans son abstraction. C'est-à-dire qu'au moment où il parle d'érotisme, d'éros, de caresse, on s'attend à un texte extrêmement sensuel. Et en réalité, le vocabulaire employé, même la démarche du texte, est en fait assez abstraite et très peu incarnée. Comment vous expliquez ça? Alors ça, c'est vrai que j'avais pas perçu cette caractéristique. Mais vous avez raison, en un sens, parce que c'est un texte très, néanmoins très littéraire, c'est une philosophie qui ne peut pas être séparée de son écriture, disons, hein. Voilà, ça fait partie quand même de ces philosophes. Bon, mais c'est vrai qu'en même temps, alors peut-être ça me mènerait à parler moins immédiatement du désir que du rapport de Lévinas à l'écriture. Parce que il y a un roman inachevé et que Lévinas n'avait jamais publié, hein, qui s'appelle Eros ou Tristopulence. Et justement, il n'a jamais. Enfin, on peut considérer que d'un point de vue littéraire, c'est pas totalement une réussite. Et peut-être que et en même temps, voilà, c'est Eros ou Tristopulence. C'est bon, pourquoi c'est abstrait? Pourquoi c'est abstrait? Ça, je... Ce qui est paradoxal pour un phénoménologue, c'est quelqu'un qui veut décrire ce qui est, vous l'avez dit, il écrit. Alors, le visage, il ne le décrit jamais vraiment, puisque ça se passe ailleurs, justement. C'est pas la face, c'est le visage. Dans le cas du désir, on s'attendrait à avoir du corps désiré. Or, ici, il est question de féminin avec un grand F, et indépendamment de la question du genre, c'est une manière de montrer que c'est un concept plus qu'un corps qu'il voit et qu'il touche dans ce texte. Alors, de quoi est fait ce désir qu'il veut décrire et qui me lie à autrui autrement que par le visage? Alors, c'est vrai que votre remarque que je l'avais jamais formulée pour moi-même, mais elle m'amène à dire que c'est d'autant plus paradoxal qu'effectivement, dans ces mots abstraits, c'est le plus concret quand même. Alors disons comme ça, qu'il veut dire, qu'il a voulu dire, parce que moi ce qui m'a fasciné toujours dans ces textes extrêmement compliqués, c'est le caractère effectivement ambigu d'Eros. Et au fond, cette ambiguïté, on peut la préciser de manière simple, de la manière suivante, le rapport à autrui comme rapport éthique, de plus en plus, et c'est d'ailleurs pour ça que Lévinas va de moins en moins mettre au premier plan l'éros, l'érotisme, la sexualité, dans Autrement qu'être au-delà de l'essence, qui est l'autre grand texte, c'est présent mais beaucoup moins au second plan, parce que précisément le rapport à autrui, comme ce rapport de réponse à l'impératif, à commandement du visage d'autrui, dans son dénuement, justement, Lévinas dirait, alors peut-être que, voilà, peut-être un élément de réponse, dans l'abstraction du visage. Il parle de l'abstraction du visage. Pourquoi? Parce que le visage s'abstrait de tout contexte. Abstrait au sens où, justement, il ne se laisse pas encadrer, en fait, et prendre dans un contexte dans lequel on pourrait le repérer. Donc, il est abstrait en ce sens, le visage. Eh bien, le rapport à autrui comme rapport éthique face à l'abstraction du visage, c'est un rapport de désintéressement radical. C'est pour le sujet se désintéresser absolument de lui. Donc ça ressent rien n'est moins désintéressé que le désir. Or voilà. Ça c'est un pôle de la philosophie de Lévinas. Et ça s'exacerbe, hein, disons, ça se radicalise quand on suit les œuvres. Mais enfin, justement, dans des notes non publiées, dans les carnets de captivité, des textes comme ça, il le dit, je mets le sexuel à l'origine du social. Et il y a précisément l'idée que le visage est incarné, que le visage est chair, que le visage, il est au bord, en fait. Il est d'un côté... Un visage, il est, il est aussi consommable. Parce que, si vous voulez, à un extrême, il y a ce désintéressement éthique, cet amour sans concupiscence, il reprend le terme de Pascal, face à ce visage abstrait. Mais à un autre bord, il y a que je suis un être de jouissance. Je suis un être de jouissance et je ne cesse jamais d'être un être de jouissance. Et le visage, il me convoque et il met en question et il me sort de ma jouissance. Hein, si je puis dire, de ma sphère de jouissance. Mais en même temps, il s'y annonce, il y est. Il n'est nulle part ailleurs que là. Donc, il y a aussi ce moment de l'éros, ce moment où le visage clignote, si je puis dire, est complètement, presque chair, il parle de chair à consommer. Alors là, c'est bon, entre la chair à consommer et l'abstrait, et l'abstraction du visage, il y a deux nudités, hein, il y a la nudité de la chair à consommer, puis il y a la nudité éthique de ce visage exposé, vulnérable, etc. Mais ce sont deux extrêmes, deux bords extrêmes. On ne peut pas imaginer plus éloigné, la distance qui les sépare est incommensurable, et en même temps ils sont l'un dans l'autre, toujours l'un dans l'autre. Oui, il écrit, Lévinas écrit, l'amour ne se dit avec vérité ni dans le parler érotique, où il s'interprète comme sensation, ni dans le langage spirituel qui l'élève au désir du transcendant. C'est bien qu'en fait il est entre les deux, c'est cet équivoque par excellence. Que nomme Lévinas. C'est exactement cela. Alors ensuite, c'est exactement ça. C'est pourquoi le désir érotique, l'éros, il peut jamais être absolument ravalé du côté de la pure consommation d'un élément, de l'élément que je consomme, et de cette jouissance dans l'élémental. Il peut jamais être exclusivement de ce côté, mais il ne peut jamais en être détaché. Il en participe toujours. Et inversement, finalement, alors la question c'est est-ce qu'il peut y avoir un désir métaphysique qui soit complètement ailleurs et qui soit, alors pourquoi l'appeler encore désir? Oui, c'est ça. Autrement formulé, est-ce autrui que je désire dans le désir ou est-ce un transcendant ou est-ce que dans une version plus platonicienne, en fait, autrui n'est que le moyen pour moi de m'élever vers un transcendant, vers un absolu qui serait peut-être le divin? Alors cette voie platonicienne, comme dite comme ça, n'est pas celle de Lévinas, c'est-à-dire l'idée que ce soit effectivement un moyen, une étape vers, on passerait des beaux corps, hein, de l'amour des beaux corps à la contemplation de l'harmonie des idées. C'est pas ça ce que nous dit Lévinas. Pour autant autrui que nous désirons, c'est ça la question. Alors, est-ce autrui que nous désirons? Je dirais que la question de Lévinas, c'est plutôt quelle est la relation par excellence à autrui? Quelle est la relation par excellence à autrui? Et c'est vrai que dans Totalité infinie, dans un texte comme ça, le moment de l'éros est un moment décisif. En même temps, c'est quand même ce qui est ce titre assez énigmatique. Enfin, on va en parler maintenant, mais c'est quand même au-delà du visage. Hein, l'éros se situe au-delà du visage. C'est très étrange, hein, d'un certain point de vue, qu'il y ait dans un texte, le texte du philosophe du visage, un au-delà du visage. On dit, si on est au visage, on est arrivé à l'éthique, on est au point d'acmé, au point le plus intense, c'est ce que Lévinas voulait nous montrer. Alors pourquoi y a-t-il un au-delà du visage? Et alors, il y a plein de raisons pour ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, la relation autrui, elle se décline de différentes manières. Elle est présente dans l'éros, mais néanmoins, elle peut se dire, par exemple, peut-être encore plus exemplairement, dans Totalité infinie, comme enseignement. Donc, l'éros, l'érotisme, il y a de très belles descriptions chez Lévinas. Il y a l'idée qu'on va jamais s'en séparer parce que nous sommes des êtres de jouissance, mais que néanmoins, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas, on peut pas décrire la relation à autrui comme d'abord ou exclusivement érotique pour Lévinas. On ne peut jamais aller au-delà, c'est pas le problème, parce que nous sommes des êtres d'érotisme, mais précisément, la sainteté ou l'amour sans concupiscence qu'il va viser de plus en plus au fur et à mesure du temps quand même tente à se détacher de la dimension de l'éros. Alors, et en même temps, nous on a envie de lire Lévinas en y accordant beaucoup d'attention parce qu'on sent que c'est ce moment c'est vraiment le moment, je dirais, ça, très intéressant de l'ambiguïté, de l'équivoque, du clignotement. Et on sent que le même Lévinas, même si de plus en plus il nous parle de la charité, de l'amour sans concupiscence, etc., il a décrit, mais de manière extrêmement précise, ce qui se jouait dans cet équivoque. Et sans doute nous a-t-il indiqué que l'humain ne quitte jamais cet équivoque, même si il est aussi pris dans la relation de charité, etc. Alors on va retrouver la radicalité de Lévinas. On a parlé du visage, du désir, un troisième aspect, une troisième modalité de la rencontre avec autrui. C'est celle de la responsabilité qui découle de ce qu'on disait au début. Si dans le visage de chaque humain est inscrit l'injonction « tu ne tueras point », alors cela me rend responsable, moi, de mes actions à l'égard d'autrui. Écoutez comment Lévinas décrit cette relation qui est toujours asymétrique, dit-il. Il va jusqu'à parler de prise d'otage par autrui de ma propre subjectivité. Et ensuite un extrait qui illustre le sacrifice de soi qui, en toute cohérence avec ce que nous dit Lévinas, devrait arriver pour sauver autrui. La relation intersubjective est une relation non symétrique. En ce sens, je suis responsable d'autrui sans attendre la réciproque, dût-il m'en coûter la vie. La réciproque, c'est son affaire. C'est précisément dans la mesure où entre autrui et moi la relation n'est pas réciproque que je suis sujétion à autrui. Et je suis sujet essentiellement en ce sens. C'est moi qui supporte tout. Vous connaissez cette phrase de Dostoïevski « Nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres. » Non pas à cause de telle ou telle culpabilité effectivement mienne, à cause de fautes que j'aurais commises, mais parce que je suis responsable d'une responsabilité totale qui répond de tous les autres et de tout chez les autres, même de leur responsabilité. Le « moi » a toujours une responsabilité de plus que tous les autres. La subjectivité, se constituant dans le mouvement même où à elle incombe d'être responsable pour l'autre, va jusqu'à la substitution pour autrui. Elle assume la condition d'otage. La subjectivité comme telle est initialement otage. Elle répond jusqu'à expier pour les autres. Le Joker a gagné. Les investigations de Harvey, tout son combat... réduit à néant. L'occasion que vous nous aviez donnée de nettoyer cette ville est morte avec la réputation de Harvey. On avait tout misé sur lui. Les citoyens vont perdre tout espoir. Empêchons ça. Ce qu'il a fait doit rester secret. 5 meurtres, dont 2 de mes hommes, ça ne s'étouffe pas, ça. Non. Non. Mais le Joker ne doit pas gagner. Gotham... a besoin d'un vrai héros. Non. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Je suis tout indiqué, car je ne suis pas un héros, contrairement à Dent. Je serai l'auteur des 5 meurtres. Voilà ce que je dois être. Non, ce n'est pas vous, c'est injuste. Je serai tel que Gotham a besoin de me voir. Celui qui se sacrifie pour les autres, celui qui est prêt à endosser des meurtres qui ont été commis par quelqu'un d'autre pour maintenir la paix au sein d'une ville, à savoir Gotham City, c'est François-David Seba, peut-être vous-même, j'en sais rien, mais surtout Batman. C'est-à-dire que ce que Lévinas propose, c'est une morale quasiment de super-héros pour pouvoir endosser la responsabilité d'autrui, pouvoir se sacrifier et vivre cette prise d'otage qu'est la responsabilité à l'égard d'autrui de ma propre subjectivité. Il faut être doté de quelque chose de plus que le sens éthique moral que nous avons, vous et moi, non? Alors, de super-héros, on peut sans doute le dire comme ça. Lui disait de c'est la sainteté. C'est, voilà, il faut être un saint, effectivement. Et ce qui est très frappant, c'est que moi j'ai toujours lu cette philosophie de cette manière-là. Oui, ce qui est inassumable. En fait, ce qui est présenté. Alors en plus, c'est pas présenté. Enfin, à certains écarts, ça peut se lire comme un idéal normatif, c'est-à-dire voilà comment on devrait faire. Mais c'est en plus présenté comme l'expérience de ce que nous vivons. Hein. Peu importe, c'est que si on est vraiment dans l'éthique, c'est-à-dire si on est vraiment dans cette épreuve du visage comme on l'a décrite, etc., on est installé dans une forme de responsabilité hyperbolique, infini, qui est effectivement ça, qui devient d'ailleurs un peu, là aussi ça se colore comme ça au fil du temps, mais qui de plus en plus, sous la plume de Lévinas, est sacrificiel. Je dois absolument tout à autrui. Bon, et je dois, et ça veut dire je dois prendre sur moi, je suis responsable de mes actes, je suis responsable d'autrui, je suis responsable du non seulement du mal fait à autrui, mais du mal commis par autrui. Bon, alors c'est effectivement, on va dire, mais c'est absolument épouvantable et intenable. Et intenable. Et c'est, je pense, intenable. C'est intenable, et pourtant c'est le noyau traumatique de l'expérience éthique telle qu'elle est décrite par Lévinas. C'est-à-dire que ce que je pense de mon côté, enfin c'est comme ça que ces derniers temps je suis venu à élaborer ça, c'est que j'ai le sentiment que Lévinas décrit cette expérience inouïe, inassumable à bien des égards, comme étant le noyau, comme faisant le noyau de sens de ce que nous sommes. C'est-à-dire s'il y a du sens, s'il y a de la signification, paradoxalement, s'il y a un monde un peu sensé peut avoir lieu, ce n'est que depuis cette épreuve proprement insensée. Bon. Mais cette épreuve proprement insensée, il n'est pas en train de nous dire que nous devons la vivre à tout bout de champ et chaque jour quand on se lève, se sacrifier à autrui. Bon. D'autant qu'il montre en plus très bien en quoi elle est inassumable pour le sujet et en même temps absolument vouée à l'échec, puisque si autrui me demande « sauve-moi de la mort », je peux le sauver en telle ou telle occasion, mais je ne le sauverai pas du mourir. Hein. Et pourtant, ce n'est que depuis cette épreuve, et depuis le fait que cette épreuve m'a toujours pris en otage, c'est-à-dire que je suis mis en question. Au fond, il y a chez Lévinas un phénomène de radicalisation. Tout ce qu'on a décrit, c'est « je suis mis en question par l'apparition d'autrui ». Et ça veut dire je suis mis en question dans ce qu'on appelait le conatus tout à l'heure, hein, cet effort de persévérer dans son être qui est d'un égoïsme d'indifférence légitime. Voilà, bon, on a bien le droit d'être et d'aller son train. Et ben tout ça, ça va plus de soi, on est mis en question. Mais cette mise en question, petit à petit, Lévinas la décrit moins comme, à la fois, il faut toujours la décrire comme m'arrivant de l'extérieur, parce que c'est l'extériorité même qui fait effraction. Mais cette effraction par l'extériorité, elle est tellement radicale qu'en fait, elle a toujours déjà eu lieu. Et c'est pour ça que, quand mon cœur, il y a déjà l'altérité, au cœur du moi, du petit moi égoïste que je suis, pour autant que je n'occulte pas l'épreuve éthique, il y a toujours déjà cette effraction par l'altérité. Et c'est pourquoi je suis l'otage de l'autre. Bon, alors c'est effectivement excessif, hyperbolique, inouï, etc. Alors, juste un point, c'est que c'est inassumable, mais en même temps, c'est le penseur Lévinas qui repère chez, alors vous citiez Dostoïevski, mais chez Vassili Grossman, le thème de la petite bonté. Moi, j'ai toujours lu Lévinas comme désignant cette épreuve inouïe, disant qu'on ne peut pas ne pas avoir rapport à elle si on est dans l'ordre de l'humain, mais qu'il ne s'agit pas de dire qu'effectivement on la vit au jour le jour, qu'au contraire, au jour le jour, si je puis dire, on la négocie, alors, l'image qui me vient n'est pas très jolie, comme en petite coupure, mais on la négocie dans des petites choses, des toutes petites choses. Voilà. Mais que ces petites choses, elles ont du sens parce qu'en fait, en elles, il y a l'écho de cette épreuve inouïe. Un écho de cette épreuve inouïe dans le visage, c'est une autre effraction, celle du groupe Visage, Fade to Grey. De Oui, vous étiez en train de me dire, merci beaucoup. François-David Seba, vous étiez en train de me dire le titre du livre où vous parlez de la grève de visage, puisqu'il en a été question, alors je vous laisse l'annoncer. Ben, il s'agit d'un livre qui se nomme « Faire face, faire visage » et qui est coécrit justement avec différents auteurs qui sont à l'hôpital d'Amiens et qui ont fait cette grève de visage. On mettra les références de cet ouvrage en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, ainsi que les autres ouvrages que vous avez consacrés à Lévinas. Encore merci à vous. Et je rappelle que cette série d'émissions sur Lévinas est proposée en partenariat avec Philosophie Magazine, qui consacre à Lévinas un hors-série disponible en kiosque. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez des premiers ouvrages sur les Gilets jaunes. À peine 3 mois depuis le 17 novembre, date du premier acte du mouvement des Gilets jaunes, mais déjà une quinzaine d'ouvrages parus ou apparaissent sur le sujet. Parmi ces ouvrages, il y a les textes engagés, militants, pour ou contre le mouvement, les récits plus singuliers de ce qui apparaît comme une histoire collective, et enfin des tentatives d'explication du phénomène par des journalistes sur le terrain ou par des penseurs. Et c'est bien ce troisième type de parution qui m'intéresse, notamment deux recueils d'articles d'historiens, sociologues, économistes et de philosophes, Le fond de l'air est jaune, paru au Seuil, et Gilets jaunes, hypothèse sur un mouvement, que l'on trouve aux éditions La Découverte, l'occasion d'esquisser ce qui pourrait ressembler à une philosophie des Gilets jaunes. Il y a plein de personnes qui sont prêtes à ne pas faire Noël pour manifester et pour dire plus tard à leurs enfants « on a fait ça pour vous, pour votre avenir ». Si vous jouez pas le jeu, on bloque la circulation, on bloque l'autoroute. Au revoir madame. Le ton monte ce matin à ce péage de Cholet. Cette fois la société Vinci refuse de lever les barrières, les gilets jaunes passent au plan B. Dès qu'ils lâcheront, dès qu'ils ouvriront les barrières pour laisser passer les gens, on débloquera. Des voix, des actions et des corps, c'est ce que vous avez pu voir et entendre depuis presque 3 mois à propos des Gilets jaunes. Mais quel mouvement constitue-t-il ? Pour faire ce qui serait une philosophie des Gilets jaunes, 3 questions peuvent être posées. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Mais tout d'abord, que sont-ils ? Ce qui est justement frappant à la lecture de ces deux ouvrages collectifs, c'est que chaque intervenant tente de saisir ce que sont les Gilets jaunes. S'agit-il d'une révolution, d'une jacquerie ou d'une sédition ? Comment se déploie ce mouvement ? En quoi les Gilets jaunes constituent-ils un événement, soudain ou latent, entre quel passé et pour quel futur ? Comme si expliquer était impossible dans ce cas-là, ou insuffisant, on pourra lister les facteurs de mobilisation, on ne pourra pas dire pourquoi il y a eu les Gilets jaunes plutôt que rien. L'idée est donc bien d'en décrire le mouvement pur, non pas ce qui compose ce mouvement et de quoi est-il fait en termes d'action et de revendication, mais la forme qu'il prend dans le temps et l'espace. Mais tout le problème est là, ce mouvement semble échapper aux catégories déjà connues de mobilisation, mais surtout parce qu'il est un mouvement, il est par définition insaisissable, il bouge. À l'image des ronds-points occupés, dont le géographe Michel Lusseau fait une mythologie, il ne cesse de circuler, intermittent, mais toujours et encore actif, sans destination précise. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus, malaise des territoires, villages comme quartiers, où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître, malaise démocratique, où se développe le sentiment de ne pas être entendu, malaise face au changement de notre société, à une laïcité bousculée et devant des modes de vie qui créent des barrières, de la distance. Cela vient de très loin. La deuxième question à poser à propos des Gilets jaunes est « Qui sont-ils ?» Le philosophe Étienne Balibar la pose justement dans un texte intitulé « Le sens du face-à-face ». Partant du discours du 10 décembre d'Emmanuel Macron aux Françaises et Français, il tente de savoir à qui le président s'est adressé. Travailleurs, territoires, citoyens, communautés, la liste pourrait être longue de ceux et celles qui ont pris la parole et les ronds-points pour signifier leur ras-le-bol. Présents à différentes échelles, dans différents lieux, depuis plusieurs années et dans différents champs sociaux, irréductibles à des zones localisables, comme la France périurbaine, la banlieue ou les zones rurales ou les villes, les Gilets jaunes ont une identité insaisissable, tout comme leur mouvement. C'est qu'il faut s'arrêter alors sur le nom même de Gilets jaunes, sur ce qui précisément identifie ce mouvement, à savoir le port d'un gilet jaune. Aussi appelé gilet de haute visibilité, ce gilet a d'abord un usage préventif, destiné à se signaler et à se protéger quand on occupe une zone de circulation dangereuse. Si on butait sur la qualification du mouvement des gilets jaunes, ce qui est intéressant ici, c'est que le gilet jaune sert moins aussi à qualifier, à dire qui l'on est, qu'à prévenir de sa présence, qu'à se rendre présent. Le gilet jaune, c'est ainsi l'identification sans l'identité, c'est le corps sans le visage, c'est la présence sans le nom. Ce sentiment de mal-représentation, il nous rappelle une chose très importante. C'est que la démocratie, dit-on, elle est un régime représentatif. Mmh. Représentation, là, voulant dire, on élit des représentants qui font les lois, par exemple, ou des représentants qui sont des porte-paroles. Mais être représenté, ça a un autre sens. Être représenté, cela veut dire aussi que les problèmes que vous vivez, vos difficultés du quotidien, elles sont mises sur la table, elles sont présent dans la vie publique, dans le débat social. C'est la voix de Pierre Rosanvallon que l'on vient d'entendre et qui pose cette question. Être présent et visible, est-ce faire quelque chose? C'est la troisième question que l'on peut se poser sur les gilets jaunes. Non seulement qui sont-ils et que sont-ils, mais que font-ils? C'est tout l'enjeu de la structure, du passage du mouvement erratique à l'organisation serrée et sous une forme politique. Impossible passage, mouvement avorté ou récupération politique, sur cette question, il faut lire l'échange sous forme de mail entre les philosophes Tristan Garcia et Francis Wolff, dont cette forme nous indique que la réflexion, si elle tente de coller au temps de l'actualité, reste dans l'attente, dans le balbutiement, dans le questionnement. Tout comme s'amorce l'action, s'amorce la pensée, et il s'agit pour l'instant de faire, sans transitif, d'être là. Eh bien, quelques semaines donc, déjà plusieurs ouvrages parus sur les gilets jaunes. Déjà, très rapide. Mais oui, déjà, et on en attend d'autres pour avril. Je cite déjà les deux ouvrages collectifs dont j'ai parlé. Donc, il y a Le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte inédite au seuil, et Gilets jaunes, hypothèse sur un mouvement, c'est paru aux éditions La Découverte. C'est noté, merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Clément Daté qui était à la prise de son. Au dessin cette semaine, Mathilde Tolek alias Fogma. Oui, vous savez maintenant, dorénavant, pour chaque semaine, on vous propose, amis dessinateurs et autres que ça intéresserait, de proposer d'envoyer vos illustrations pour en lien avec le thème de l'émission. Alors n'hésitez pas à le faire par mail ou sur la page Facebook de l'émission. On vous répondra et on sera ravis de diffuser vos dessins. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Emmanuel Lévinas en partenariat avec Philosophie Magazine. Demain, nous serons en compagnie de la philosophe Catherine Chalier. On se demandera s'il y a une fin à l'infini et on creusera davantage les liens entre philosophie et religion et le Talmud dans la pensée d'Emmanuel Lévinas. D'ici là, pour écouter cette émission, sachez que c'est facile. Il suffit de vous rendre sur le site de France Culture, la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.